plastique. Yeah, telle est notre phrase. Le MC s'exprime, laissons flotter nos pensées. Espace de liberté, je prends mon air entre la caisse clé. La grosse caisse, même le presse pas. Je profite de chaque moment, c'est pour moi crucial. Je ne néglige rien, j'avance. Je protège mes arrières comme un putain de businessman dans les affaires. Pour le 1, le mic en main pour le 2, un max de tête, c'est sérieux. Pour le 3, un putain de son pour faire des dégâts. Pour le 4, j'ai la foi. Face des 4 points, aucun mur ne s'y dirige à l'horizon. Halini Blaska, Wahar Mena, Halini Mkudili la place. Pour que je puisse faire surface, le nombre vent prend fort. Il marque dans les packs, avec tel est mon style et affiche la claque. Tel est mon style, tel est mon style, tel est mon phrasé. Time spent doing rock, hip hop, soup, funk, and gospel. Help me make up my mind and realize those sweet dreams so well. So now come on and listen, this kind of music's alright. I am convinced that it's going to touch your heart. There is no need disappointing, I will fulfill your needs. So come on, baby, don't be afraid if after this you're feeling this. Tell me more still. Quand je prends le mic, personne ne peut m'arrêter. Oh, tel est notre style, yeah, tel est notre phrasé. Le MC s'exprime, laissons flotter nos pensées. Je rentre sur le beat, surtout pas de panique. Un peu de concentration, observe ma technique. Je débarque dans la place avec de la classe. Découvre mon style qui te tape dans la face. Je te balance mes mots, écoute bien mon niveau. Écoute la manière dont je perds sur le tempo. Je pratique la musique d'un air abusif. Regarde à toi, mon esprit est très vif et prend la fuite. Encaisse les coups de la bête qui avance avec une seule idée ancrée dans sa tête. Assure de la sorte que ne s'ouvre les portes de la grande école, école du type au top, du type au top, du type au top. Ha, yeah. Tel est mon style, yeah. Tel est mon phrasé. Quand je prends le mic, personne ne peut m'arrêter. Tel est notre style, tel est notre phrasé. Quand je prends le mic, personne. Quand je prends le mic, personne. Ah, s'il vous plaît, personne ne peut m'arrêter. Ah, chassez pour l'oisiveté. Me voilà une fois de plus sur le beat. Je prends ma lanterne.